Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, édition janvier 2019, avec un programme très chargé et avec des invités très spéciaux, les Morrigans. On démarre toutefois tout de suite avec une nouveauté d'un pianiste, compositeur que je qualifie d'Elton John français. Je veux parler de Michel Polnareff et son nouvel album « Enfin ». Tout de suite, Polnareff sur le 100.7 et ses Prog à part, l'émission du rock progressif. Thank you. Fallait oser quand même. Premier morceau de l'album, un morceau uniquement instrumental de 10 minutes. Paul Naref, enfin. Ah, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir d'avoir cette réédition d'un album somptueux de Procol Harum, Live with the Edmonton Orchestra, qui date de 71, enfin réédité, remasterisé par nos amis d'Ésotérique. Je vous propose un morceau relativement court, vous le connaissez par cœur ou presque, un morceau quand même phare de la carrière du groupe britannique, A Salty Dog, tout de suite sur le 100.7. Next one we'd like to do. It's the first one actually that we ever did with an orchestra anywhere when we made it on a record. Our first attempt at doing anything of that nature. And I suppose eventually it's brought us to today here and what we're doing now. And we'll tune in with a few tweets. All a Salty Dog. All hands on deck, we've run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no one leave for life. Have passed since we made love. Well, as usual, I've got to hurry on and introduce our next on the bill. They're no strangers to us on the concert program, having been with us before. Recently, they released their third album to tremendous critical acclaim. The sales aren't too bad either. Would you welcome, please, those four highly talented musicians, collectively known as Greenslade? Follow me. Greenslade, une réédition de chez Esotérique, Spyglass Guest, et pour le même prix, un deuxième extrait. Well, what can I say about that? I promised myself I'd resist the temptation to pile on the superlatives and remain purely factual tonight. So bearing that in mind, let me tell you that was Joie de Vivre, which comes from the recent Greenslade album, Spyglass Guest. And we'll be hearing more music from the album later in the program. But for the next one, we go back to the second album. In fact, this is the number that gave the album its title. It's Bedside Manners Are Extra. Thank you. Une belle réédition de nos amis d'Ésotérique de ce Greenslade Spyglass Guest qui date de 1974. Un double CD avec donc un deuxième CD des morceaux live enregistrés à la BBC. Et oui, je me suis un petit peu fatigué, je passe pas beaucoup de live, je sais. Et donc là, ça me paraissait des documents très intéressants. On termine avec les nouveautés, avec une réédition fort attendue d'un groupe de Clermont-Ferrand de 77, Arcane, qui, ma foi, ressemble beaucoup à Shylock. Et si je vous dis Shylock, vous allez me dire King Crimson, époque Starless and Bible Black ou Lars Tongue in Aspic. Bingo! Et donc, nos amis de Musea viennent de rééditer ça et c'est un régal. Tout de suite! Chose due, ils sont avec nous les Morrigans. Vous aviez pu entendre un morceau de leur deuxième album A Blood Stained Piano lors de l'émission de décembre et j'ai craqué, je les ai invités. Alors il y en a deux, il y a Nicolas, il va se présenter devant le micro. Bonsoir. Ça marche, la technique suit, il va nous dire qu'est-ce qu'il fait. Alors, au sein du groupe. Moi, je suis quelque sorte le membre supplémentaire du groupe parce qu'en fait, j'ai fait les concepts et les paroles. Voilà. D'accord. Et à côté de lui, nous avons Laurent. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Thierry, et bonsoir à tous et à toutes. Bien, ben merci d'être venu. Bon, je sais qu'il y en a qui n'a pas fait beaucoup de kilomètres pour venir, hein, c'était vraiment à côté. Oui, je suis vraiment venu en voisin là pour le coup. Ouais. Pour Laurent, c'est peut-être un peu plus loin. Hein, Berger-Roussillon, on en reviendra. Eh bien, si vous êtes d'accord, on va démarrer ces petites questions-réponses là. J'ai noté des petites choses que j'aimerais bien connaître. Par exemple, quand et par qui fut créé Morrigans ? Alors, Morrigans a été créé en 2012 avec notre chanteuse Fanny et moi. On a commencé à écrire ce qui a servi de base au premier album, comme ça, un petit peu entre nous. Et puis, on a mis quand même quelques années, puisque Morrigans a vraiment commencé à répéter en tant que groupe en partir de 2016. Et où là, on a commencé à recruter des musiciens, à retravailler les morceaux, à les remettre en place pour créer le premier album, donc l'album qui s'appelle The Three Circle of Death. Ouais, j'allais te poser la question. Donc effectivement, le titre. Qui est-ce qui figure ? Qui est-ce qui joue sur ce premier album ? Alors sur le premier album, ce n'est pas tout à fait la mouture de Morrigans actuelle. Sur le premier album, il y avait donc Fanny qui est restée au chant. On avait déjà Richard, notre bassiste, Hervé, notre batteur. Et puis on avait en deuxième guitariste Georges Marc et une clavier additionnelle pour les lives, Séverine. Et puis, pour des raisons personnelles, Séverine et Georges Marc ont arrêté le groupe. Donc aujourd'hui, on a remplacé uniquement Georges Marc avec Vincent, pour la bonne simple raison que les claviers additionnels, on a réorchestré un peu les morceaux, on a travaillé le deuxième album différemment, de façon à avoir qu'un seul clavier qui est joué aussi par Fanny, qui est chanteuse clavier dans le groupe. Georges Marc, je connais bien, puisque c'est un ex-Enéad. C'est ça. Ex-toujours, Enéad d'ailleurs. Qui est toujours, un peu de pub, parce qu'ils sont toujours en train de travailler. Voilà, et qui nous a accompagnés sur certains concerts de Silver Hunter. Qu'est-ce que ça veut dire, Morrigans ? Que signifie ce nom ? Alors, Morrigans, c'est un nom d'une déesse celte, en fait une furie de la guerre, qui erre sur les champs de bataille après la bataille avec trois corneilles pour récupérer les âmes des défunts et les emporter avec elle. Voilà, ça vient de là, c'est bien d'un côté très celtique. Et c'est aussi le deuxième prénom de ma fille, donc voilà. Qui a quel âge ? Qui a 16 ans. Ah, d'accord, c'est une grande fille. Voilà. Elle est fan de Morrigans ? Ouais, elle est fan, ouais. Deux albums déjà au compteur ? Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que vous avez fait une foultitude de concerts. On a fait, je crois, si je ne me trompe pas dans les comptes, on aura fait 22 concerts en 2 ans. Ouais. C'est drôlement bien, parce que moi qui étais dans un groupe, je peux te dire que ce n'est pas facile de décrocher. Simple, c'est moi qui m'occupe du booking du groupe, ce n'est pas toujours simple. D'ailleurs, si des gens ont envie de nous faire jouer, n'hésitez pas à contacter moi. Ouais. Bah, tu donneras le site, l'adresse, ouais, etc. Bien sûr, ouais. Quelles sont les dates les plus marquantes? Les dates les plus marquantes, on va dire la toute première, parce qu'on a fait notre release party de notre premier album, c'était au Ninkasi. Ouais, j'étais là. Alors, au café, c'est la plus marquante parce que c'est la première fois où le groupe, dans son intégralité, est monté sur scène, même si on avait tous fait un petit peu de scène auparavant avec d'autres formations, mais là, c'était peut-être la plus importante. Après, des dates très intéressantes, il y a eu la Maison des Artistes à Chamonix, pour le cadre, pour l'ambiance, pour tout ça, et puis jouer au pied du Mont Blanc, enfin, c'était un petit plaisir particulier. Après, on a fait quelques festivals, on a partagé les affiches avec des groupes sympas. Hein. Alors, sur Lyon, on a partagé beaucoup de fois l'affiche avec les Wedding Got, hein, mes groupes de metal prog. On joue souvent avec eux. Et puis, les affiches, on a joué avec Frank Carducci, avec The Watch ou Grazy Prog l'an passé. Ah oui, quand même. Donc voilà. Ah ouais, quand même. Ouais. Et alors, quelle est la réaction du public, justement, les gens qui viennent pour Frank Carducci ou The Watch? Est-ce que le courant passe On a des bons retours du public en général. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu différent par rapport à ces groupes-là qui sont très marqués, on va dire, rock prog 70s. Même Frank a quand même des grosses influences sur le rock 70s. J'aime beaucoup ses albums d'ailleurs. Nous, on est un petit mélange. Enfin, quand on me demande de qualifier la musique de Morrigan, je suis toujours un petit peu embêté parce qu'on vient tous d'univers différents. Donc, c'est très compliqué à qualifier notre musique. Moi, je dirais rock prog ou rock atmosphérique. On peut osciller entre des morceaux un petit peu plus métal et des morceaux très progressifs. Tu peux faire jusqu'à 9 minutes ou des morceaux un peu plus pop comme ceux que tu viens de passer qui tourneront autour des 3-4 minutes. Voilà, on a créé Morrigan, si vous voulez, pas spécialement. Alors, moi, je suis un grand fan de prog. George Marc, forcément, l'était aussi. Après, notre bassiste est fan de plein de choses, notamment de Maiden et des années 80. Donc voilà, on tous se marie un petit peu différemment dans le groupe et on essaie de faire ressortir les diverses influences de chacun des membres. Je voudrais qu'on revienne sur le concept qui est original. Hein. Donc on a Nicolas qui est Peter ici. Peter Seinfeld, Image and Words, comme King Crimson. Hein, on a notre Peter Seinfeld. Et donc Seinfeld qui va nous expliquer notre Keith Reed. Donc ce piano couvert de sang. Quelques mots là-dessus, s'il te plaît. Alors, tout est parti en fait d'un piano qui avait donc chez Fanny Laurent, qu'ils ont. Et ça m'a inspiré effectivement. Et alors, par contre, d'où vient la tache de sang, je ne saurais pas vous le dire moi-même, mais voilà, ça fait un peu partie aussi du mystère. Mais voilà, et je suis parti simplement sur cette idée, comme en plus il voulait vraiment un album où il faisait différentes ambiances, des différentes époques, etc. Et ben c'était l'occasion, c'est un piano qui voyage au fil du temps depuis sa création au 19e siècle, à travers un peu toute l'histoire du 20e siècle, comme ça, et qui va aller dans différents pays, à différents moments de clé de l'histoire. Et puis voilà, donc c'était une manière de balader, de se balader comme ça dans le temps et dans l'espace. Ah, il faut y voir des références à Verne, Jules Verne, à Edgar Poe, à Lovecraft ou... Je pense, oui. Alors évidemment, moi, une partie de ce que j'ai fait en tant que romancier, c'est du steampunk, c'est du Jules Verne, hein, de revamper tout cet imaginaire 19e siècle, effectivement. Donc forcément, j'ai toujours ça dans un coin de la tête. Donc oui, on est tout à fait dans ces ambiances-là. Alors explique-nous un petit peu tes activités d'écriture, justement, steampunk et tout. Explique un petit peu. Alors effectivement, je suis romancier et guide. C'est un peu ma double casquette. Donc j'ai fait du polar historique, j'ai fait donc un diptyque steampunk. Entre autres, là j'ai une novella de pure SF de science-fiction qui est en train de sortir, enfin voilà. Et en parallèle, donc je suis guide dans la ville de Lyon depuis une vingtaine d'années maintenant. Et là, donc, je fais des visites, ça s'appelle l'histoire décalée, donc je fais des visites à thème et sur l'histoire ésotérique de la ville qui est extrêmement riche. Et bien sûr. Voilà. Donc et c'est Allan Kardec, les arêtes de poissons. Voilà, la franc-maçonnerie, l'alchimie, il y a tout. Il y a de tout, de toute façon. Bien sûr, voilà. bien sûr. Les sociétés secrètes à Lyon sont très très fortes. Hein, et je pense que le concept de Traboul correspond aussi à ce côté société secrète, vivre entre soi, etc. Oui, oui, oui, il y a vraiment quelque chose dans la mentalité lyonnaise, ça, c'est incontestable. Oui. On a fait un petit peu le tour. Si, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a, en plus de ce disque, il y a un recueil de nouvelles qui doit sortir, c'est ça, avant juin. En cours de réalisation, ouais, un recueil de nouvelles. Alors, comme on a écrit cet album avec Nicolas, et le concept parti du piano qui est encore chez moi, du piano qui a été créé en 1856 dans les ateliers, je vais y arriver, Pleyel à Paris, où on a retrouvé les archives sur le site de la Cité de la Musique à Paris. Donc on est parti là-dessus pour faire le concept, et puis je me suis dit que ce concept, une chanson c'est bien, mais ça explique pas tout, et travailler avec des auteurs, donc on a aujourd'hui 12 auteurs qui vont travailler chacun dans 12, dont toi Thierry d'ailleurs, et dont Nicolas, moi je vais faire aussi une nouvelle, enfin je pourrais vous les citer tous si vous le souhaitez, mais... Voilà, on a décidé de donner aussi à des auteurs l'opportunité de s'exprimer par rapport autour de ce concept, de partir de la chanson, d'avant la chanson, d'après la chanson, au niveau du thème, de respecter le cadre écrit par la chanson et puis de faire travailler leur imagination parce qu'il peut se passer plein de choses avec ce piano qui voyage à travers l'histoire. Ouais, je trouve que c'est très, très, très original, très intéressant comme démarche. Hein. Mais ça correspond à tes activités au Péage du Roussillon, où tu effectivement fais à la fois des animations musicales et, j'allais dire, culturelles, on peut le dire, hein, même avec un petit C. Hein. Tu peux nous en parler un petit peu de tout ça, là? Oui, alors du Festival du Livre, voilà, auquel j'ai participé aussi. Allez, sans amertume. Non, il n'y a pas d'amertume du tout. Je suis adjoint à la culture au Péage du Roussillon, donc ça m'a permis effectivement de mettre en avant... des choses qui m'intéressaient et puis qui intéressent aussi pas mal les gens. Donc de faire un salon du livre, j'en ai fait deux. Il y a une troisième édition qui est prévue pour cette année. Je n'ai pas la date encore, on est en train de travailler dessus. Voilà, où j'espère que le recueil aura avancé. J'espère faire venir les auteurs qui auront participé au recueil aussi pour les faire connaître. Il y avait le Péage du Rock. Il y avait Feu, le Péage du Rock, festival musique rock à tendance fortement progressive que j'ai fait pendant 4 ans. Et puis, suite à des soucis de la salle dans laquelle, salle de spectacle de la ville, des soucis, légal avec des voisins, le voisinage, etc., on a arrêté le festival. Et puis aujourd'hui, la culture n'a plus, autant de subventions et de budget qu'avant. Et voilà, les communes... Pendant la politique, mais perdent leur dotation de l'État. Donc, du coup, il faut réinvestir dans des choses plus pérennes que forcément un festival de rock. Donc, voilà, ça s'est arrêté. Ouais. Il y a aussi, effectivement, ce que tu dis, c'est que l'aide de l'État qui dégringole et donc les communes sont... Ouais, c'est ça. Après, les communes ne peuvent plus tout faire. Il faut s'occuper des écoles, il faut s'occuper des bâtiments publics, il faut s'occuper et on ne peut plus mettre l'argent. Il y a des choix. Il y a des choix à faire. C'est sûr que c'est toujours un peu un pari parce que l'idée, c'est quand on lance un festival, bon, moi, je pense aussi pour les salons du livre, c'est la même chose. Hein, ça peut marcher. Il faut beaucoup d'années d'efforts. Oui, c'est ça. Il faut creuser son sillon. Pour que ça se mette dans l'esprit des gens, etc., que ça prenne son identité. Donc, c'est toujours un sacré Paris, ça c'est sûr. Donc voilà, donc Feu, le Péage du Rock, des bons souvenirs parce que j'ai fait jouer des groupes. J'ai participé en tant que musicien et puis j'y suis allé deux fois ou trois fois en tant que spectateur. C'est un régal. Hein. Oui, oui. Ouais. J'avais essayé de faire venir des groupes qui n'étaient pas très présents en France et puis des groupes locaux et puis des groupes aussi français. Voilà, je pense à mes amis de MDS notamment que j'ai fait jouer. Monnaie de singe. Monnaie de singe. À des groupes comme Credo dans le progressive néo-prog. J'ai fait jouer deux fois la Zulie parce que la Zulie ne joue pas beaucoup en France et c'est un grand dommage. Et pourtant, ils sont ultra reconnus en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, complètement etc. D'accord. C'est des gens qui mériteraient de passer sur les grandes chaînes de télévision publique. Hein. Exactement. Et puis, j'ai fait jouer Christopher Guildenlow, l'ex-bassiste de Pain of Salvation, avec son projet solo. Enfin, voilà, j'ai essayé de ramener un petit peu une mouvement progressive qui venait un petit peu de partout. Ouais. Des groupes psychédéliques avec les sulfates kédamine, plus déjà. Voilà, donc un peu métal aussi, suivant tes goûts aussi. Il y avait des groupes de métal. Hein. J'avais fait jouer Vanden Plas, effectivement. Et puis, alors, entre le métal, le jazz et Morgable, la dernière année, qui était à la tête d'affiche. Voilà, on a essayé de... Est-ce que globalement, tu es content? Est-ce que tu as eu le public que tu attendais ou un peu en deçà? Oh, mais bien en deçà. Ouais. J'aurais bien aimé pouvoir faire la jauge que fait un Prog Sud ou que fait un Crescendo. Voilà, peut-être pas dans la première année, mais dans les années... C'est compliqué, le péage de Roussillon est un peu excentré, même si on a l'accès autoroutier, l'accès voie ferrée, mais c'est toujours un peu compliqué de bouger les gens. Ouais. Et puis, je remercie tous les gens du Prog, parce que c'est des gens que j'ai retrouvés sur d'autres festivals qui se sont déplacés, des gens qui sont venus de loin, des gens qui sont venus du Luxembourg, des gens qui sont venus d'Allemagne. C'est quand même des gens qui se sont déplacés, malheureusement parlant. Pour pérenniser un festival, il aurait fallu un peu plus de temps et un peu plus de... Voilà. Bon, mais... Peut-être qu'il y aura une suite, on n'en sait rien. Hein. On ne sait pas de quoi l'avenir never est fait. Say never. Voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Là, aujourd'hui, c'est travailler sur les dates de Morrigan, puisque c'est moi qui m'occupe. Alors, justement, les prochaines dates, qu'est-ce que t'as prévu? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? La prochaine date est une date acoustique à Grenoble, enfin, Voiron exactement, au Hyde Park, où on jouera avec un groupe de rock américain qui s'appelle les Dead Soulmen. Voilà, on fera leur première partie. Ensuite des dates, pas mal d'idées. Je sais qu'on a une bonne idée avec mon ami Eric Martela du groupe Messaline, c'est de monter une affiche que je connais très bien, que je sais que tu connais très bien. On a eu envie de monter une affiche et c'est bon pour les trois groupes. Maintenant on a encore besoin de confirmation des salles, mais je ne pourrais pas parler de l'endroit exact aujourd'hui, mais c'est de faire une tournée Morrigan, Messaline et Galade, le groupe suisse, le groupe suisse de Pierre Ipteria, Sébastien Croix-de-Vaux et tous les autres qui sortent leur nouvel album le 19 mai. Mais ouais. Et voilà, moi c'est un petit peu un rêve de gamin de tourner avec Galade, parce que depuis 1er février et puis Eva Evictis, je suis un grand fan de Galade. J'avais fait jouer au PH du Rock Pierre-Yves sous sa formation Pete. Ouais. Voilà, j'ai déjà rencontré Pierre-Yves et Sébastien, des gens que j'apprécie beaucoup, et les faire venir en France et les faire jouer en France serait un réel plaisir. Et nous de jouer en première partie, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc on travaille là-dessus. J'avais participé à leur concert à Vaux-en-Velin, à l'école des TPE, premier album. Ouais, ouais. C'était fabuleux, quoi. Ouais, c'était fabuleux. Donc là, ça devrait se faire, ça. Ça devrait se faire. C'est en bonne voie. Galade est OK. Messaline, forcément, est OK. Et sur Bourg-en-Bresse, alors, bien évidemment. Vous allez faire ça où? Sur Bourg-en-Bresse? Non. Si on fait ça, on a actuellement deux endroits. Où on serait, il y en a un sur Lyon. J'ai pas la confirmation, donc je vais pas citer parce que je vais pas mettre les gens dans la voilà. Et un plutôt sur Savoie. Voilà. Ouais. Essayez de faire ça sur Lyon parce que les il y en aura un sur Lyon, quoi qu'il en soit. On les progueux pour les bouger. Voilà. Après, c'est aussi dans le cadre d'une tournée, puisque Galade va effectuer une tournée. Je crois qu'ils ont une date à Bordeaux, une date à Paris, et on ferait une à Lyon, et après peut terminer par la Savoie, les rapprocher de la Suisse sur le chemin du retour. Enfin, on va essayer de faire ça dans le cohérent aussi au niveau d'une tournée entre groupes. Alors, on a passé déjà un premier morceau, Requiem. Est-ce que tu as quelques mots à dire sur ce titre? Requiem, oui. Alors, je laisserai Nicolas parler du texte puisque il en est l'auteur. Requiem, l'idée, c'est de se baser sur la vie de ce piano qui arrive au PH de Roussillon en 2017, et qu'est-ce qui s'est passé avec ce piano, c'est un peu la chanson qui va résumer tout l'esprit de l'album, c'est-à-dire c'est effectivement, et puis c'est la seule en français du coup. Elle m'est venue effectivement comme ça en français et pour les paroles, hein, et après ça j'ai vraiment laissé évidemment toute latitude à ceux qui savent faire pour la musique, mais voilà, donc c'est effectivement un résumé de tout l'album, parce que c'est vraiment les chants qui émanent en quelque sorte de ce piano à la tache de sang, de toutes les voix, toutes les vies qui se sont écoulées autour. Les âmes qui habitent le piano, quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment une question d'âme, là, pour le coup. On est presque dans le mystique, là. Ouais, d'accord. Et alors donc, vous avez choisi également un deuxième titre, Ordo... Templi Orientis. Templi Orientis. Alors là, qui est un morceau que j'aime beaucoup, parce qu'il me parle, puis Nicolas, alors là, on est en plein ésotérisme, complètement, puisque c'est un morceau qui parle de Aleister Crowley, qui est un célèbre ésotériste anglais, controversé. Ouais. Certes, mais qui a marqué son époque et qui a écrit certaines choses très intéressantes. Alors le morceau, je vais vous le décrire rapidement, puis Nicolas qui l'a écrit vous fera les petits compléments. C'est quand Aleister Crowley se retrouve au Caire en 1904 de mémoire et en visitant le musée du Caire, et lui et sa femme tombent sur une stèle, sa femme entre en transe et communique avec un esprit qui s'appelle Aiwass qui dictera à Aleister Crowley. Le fameux Ordo Templi Orientis, ordre qui fondera un peu plus tard la suite. C'est le fameux livre bleu d'Aleister Crowley qui effectivement ressemble par certains côtés à de l'écriture automatique. Enfin, c'est un livre qui va résumer en quelque sorte la doctrine future d'Aleister Crowley. Ouais. Voilà. Une grande richesse tout ça. Hein. Voilà. Une grande profondeur. Est-ce qu'il y avait autant de recherches dans le premier album ou c'est le fait premier album de, a été écrit un petit peu différemment. On avait travaillé à l'époque quand on l'a écrit avec Fanny sur un peu les travers de l'âme humaine et puis de ce concept, enfin de cette chanson écrite là. En discutant avec Nicolas, on a écrit un concept autour de ça qui était le concept. De, grosso modo, de la Morrigan qui venait récupérer les âmes des défunts, etc. Nicolas, l'idée, j'étais parti effectivement là du coup de chansons qui existaient déjà, et effectivement, j'ai pensé à ce concept effectivement de. Mais alors, donc c'est la Morrigan, mais la Morrigan dans un monde post-apocalyptique, c'est-à-dire que la civilisation s'est écroulée, et il y a une Morrigan qui arrive sur un grand zeppelin, grosso modo, et puis qui vient soulager les familles de leurs défunts comme ceci et les emporter dans le voilà. Chaque chanson est un petit peu au travers de l'âme d'un défunt entre guillemets qui sera emmené par la Morrigan et qui parle de ce ressenti là. Hein. Voilà, Nicolas écrit une chanson, enfin le texte d'une chanson qui s'appelle le titre éponyme de l'album, hein, Three Circle of Death. Qui résume un petit peu justement ces trois cercles de la mort et cette Morrigan, avec ces trois corneilles qui vient emmener les âmes des défunts. Ouais, je suis captivé parce qu'étant écrivain et parolier et bien branché aussi tout ce qui est ésotérique, science-fiction et autres, je bois ces paroles. Ce premier album, il s'est bien vendu. Alors ce premier album, écoutez, on en a sorti 500 exemplaires, ouais. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait les comptes il y a très très peu de temps, il nous en reste une cinquantaine, donc c'est relativement bien vendu. C'est très correct. Voilà, le deuxième, lui, c'est très bien vendu, puisqu'on était sold out sur les 500 premiers tirages d'exemplaires. Ouais. Aujourd'hui, on a repressé, alors c'est très bien vendu, puis on est très agréablement surpris de voir l'engouement que suscite le deuxième album au Japon, puisque je crois qu'on n'aurait pas loin d'être à... entre 150 et 200 albums vendus au Japon. Alors, vendus directement à des gens, en numérique ou en CD physique, ou alors vendus à des magasins avec un pignon sur rue qui revendent nos albums. On a vendu une centaine d'albums pour des magasins au Japon. Donc, on est très, très, très content de ça. Alors, quel canot de distribution ? Tu passes par qui alors ? Canot de distribution, aujourd'hui, on a notre site internet et nos concerts. Voilà. Et après, quand on nous demande, comme le magasin japonais qui s'appelle Garden Shed, qui nous a contactés, qui nous a dit qu'il voulait avoir nos CD en stock pour les vendre. Et il a passé deux commandes cet été. Donc, c'est que ça se vend relativement bien puisqu'il a, il a recommandé une deuxième fois. C'est un magasin très spécialisé musique progressive, hein, pas mal de mes amis de Light Damage notamment sont distribués là-bas, enfin je connais pas mal de groupes français de prog qui sont distribués chez eux, mais c'est relativement bien pour nous en fait, parce que jusqu'à maintenant on n'a pas de canaux de distribution ni de réseau de distribution en France, on fait tout nous-mêmes, est fait nous-mêmes, les pochettes sont faites par Fanny, on fait tout est maison, le booking, on n'a pas de tourneur, c'est moi qui le fais, etc. La communication, et c'est moi qui m'en occupe. Voilà, donc aujourd'hui, on est en un petit peu... Vous n'êtes pas distribué par Musea ? Non, j'avais contacté Musea. Alors, nous, on veut rester maître de notre pressage, de ce qu'on y fait. Alors, j'ai rien contre Musea, mais c'est vrai que On est un peu comme les Lazuli, c'est-à-dire qu'on fait tout nous-mêmes, on fait de l'autoproduction. Mmh. C'est vrai que ça coûte un peu, mais au moins on reste maître. Ce que j'aimerais trouver, c'est des magasins de disques locaux ici, français, qui me disent je vais prendre 5-10 exemplaires, je vais les mettre et qu'on soit visible un petit peu dans les bacs. Parce qu'aujourd'hui. Alors Musea, ils faisaient, je ne sais pas s'ils le font toujours, ils faisaient de la distribution en plus de la production. Ouais, moi, je sais qu'ils faisaient surtout de la prod. Ils, font les deux, ils faisaient les deux, hein, ouais. quand nous on avait signé. Pour que je les recontacte, c'est toujours des choses. Et t'as Quadriphonique aussi qui fait. Alors, on était distribué sur Quadriphonique. Jean-Pierre Louveton. Voilà, chez Jean-Pierre. Chez Quadriphonique, mais ça reste de la distribution numérique. Ah, et t'en prends pas en. Si, mais on prend en physique, mais ça reste de la distribution, je veux dire, qui fait par son site internet. Donc, on est sur de la vente. On n'est pas sur de la vente. Aujourd'hui, ce que Morrigan aimerait trouver, c'est de la vente dans les bacs. Ça pourrait être. Peut-être du côté. Giber, pour citer, peut-être de Black Widow en Italie. Peut-être. Ouais, peut-être. Parce qu'ils sont bien branchés métal et tout ce qui est ésotérique, donc je pense qu'il y a un créneau. Peut-être. Ouais. On en parlera en off tout à l'heure. Ouais. Bon, on écoute ce morceau, hein, donc tu me rappelles le titre. Ordo Templi Orientis. Oui. Deuxième extrait de cet album des Morrigans. Avant d'écouter un troisième morceau qui va être présenté par notre ami Laurent, je pense que Nicolas voulait revenir sur ses activités parallèles et simultanées au sein des Traboules, du latin transambulare. Voilà, donc effectivement, oui, non, c'est. Effectivement, là, je lance partir de. Enfin, je continue pendant l'hiver, hein, mais. Donc, des visites à thème sur l'ésotérisme lyonnais, donc sorcellerie et occultisme sur les pans de la Croix-Rousse, mages des humanistes sur les sociétés secrètes de la Renaissance. Voilà, et puis une visite qui est en préparation à partir de mars. Avec, en collaboration avec la Maison des Canuts, on va faire une visite sur la franc-maçonnerie historique à Lyon. Voilà le programme. Très intéressant. Histoiredécalée.com. Très intéressant. Tu as donné ton... Tu as un site Voilà, histoiredécalée.com. Et puis vous avez la page Facebook, les Histoires Décalées de Nicolas Le Breton. Voilà. D'accord. Voilà. Laurent. Bon, écoute, moi, juste rappeler que... Tous les gens qui voudraient nous contacter, on a donc morrigans.music.com, c'est notre site internet. On a la page Facebook Morrigans. Puis les gens peuvent me contacter directement sur Facebook s'ils veulent commander un CD, s'ils veulent nous proposer une date, s'ils veulent distribuer nos CD, s'ils veulent quoi que ce soit de Morrigans, et ben Laurent Ville sur Facebook et je répondrai dans la foulée. J'aime bien le visuel des deux albums. Hein. Je trouve que les pochettes sont vraiment... T'as quelques mots là-dessus aussi. Eh ben, écoute, c'est Fanny, notre chanteuse, qui a fait les deux covers et les livrets, l'intégralité des livrets d'ailleurs à l'intérieur. Elle fait un super boulot là-dessus. C'est vrai qu'on a on a toujours voulu déjà pas sortir un petit CD dans une pochette en carton. On a voulu faire un digipack avec un livret. Je crois qu'il a 26 pages, celui du deuxième album, un peu dense où les textes et leur vraie place. On travaille avec un auteur, donc c'est pour faire les textes. Sur le premier, le prologue est écrit par Nicolas. Sur le deuxième, le prologue, c'est moi qui l'ai écrit. On veut vraiment instaurer une ambiance, une histoire, quelque chose. Donc voilà, on veut un objet. Notre bassiste Richard est collectionneur de vinyles. Donc voilà, l'objet est important pour chacun dans le groupe. Et on a tenu à sortir quelque chose de très bien. Voilà. Et donc au niveau distribution, on l'a vu. Au niveau projet, on l'a vu. On a un morceau là que tu nous proposes et en bonus. Le cinquième, voilà, petit bonus. Le cinquième, je vais vous parler rapidement de. Puis Nicolas finira bien évidemment, il sera toujours le dernier mot à l'auteur. Un morceau qui s'appelle A Perfect Life. Donc, comme tous nos morceaux ont à la fois un personnage historique, enfin, ou ayant réellement existé, et puis une date. Donc là, on est en 1917, bataille de la Somme. Le major Gilson écrit une lettre à sa femme avant de partir au front. Pour la petite histoire, le major Gilson était le meilleur ami de J.R.R. Tolkien, qui a fait la guerre des tranchées en France. Et le major Gilson écrit cette lettre avant de partir à l'assaut et il sera tué de la première balle qu'il recevra et sa femme recevra la lettre. Et c'est un mélange entre cette lettre, ce que vit le major Gilson dans les tranchées et ce que vit sa femme quand elle reçoit la lettre. Voilà, guère plus de choses à dire. Effectivement, l'essentiel est là. Oui, c'est vraiment la tristesse et la solitude de chacun, en fait. Hein, parce que c'est aussi une épreuve pour la femme, qui aussi n'est pas nécessairement très heureuse en compagnie de sa belle-mère. Voilà. C'est que chacun, en fait, chacun des deux se retrouve dans une prison, en fait. Voilà. C'est un peu toute la thématique de ce... Voilà, de la perte du mari. Voilà, et elle confie évidemment cette peine-là au piano. Juste pour terminer, parce que ça me fait plaisir, tes bouquins, ils sont édités au Mouton Électrique, je crois. Absolument, on voilà. On peut en dire quelques mots, puisqu'André François Ruault est un ami. Oui. Amateur de prog et cofondateur d'Acid Dragon. Alors, quelques mots, allez. Tout à fait, oui, bah oui, je sais, je suis intensément fier d'être effectivement publié aux Moutons Électriques, qui est une maison d'édition qui maintenant a une belle réputation. Hein, voilà, donc il y a toujours un gros travail qui est fait sur la qualité. Donc effectivement, comme tu le dis, André-François Ruault, c'est un érudit de la science-fiction et de la fantasy. Hein. C'est pas vraiment en appuyant sur érudit. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance encyclopédique du genre. Le panorama qui est à sa troisième édition de la fantasy est un ouvrage de référence. Hein. Oui. Il y a vraiment... c'est la somme, je pense, en langue francophone sur le sujet, bien entendu. Hein. Et puis évidemment, il y a toutes les productions effectivement des auteurs des Moutons Électriques hein, qui sont voilà qui commencent à avoir leur Qui étaient lyonnais et maintenant qui sont bordelais. Bordelais, tout à fait. Ouais. Absolument. Ouais, non, mais bon, moi, je l'ai connu au début d'Acid Dragon. On a créé Acid Dragon tous les deux, quoi. Donc, ça nous fait des sacrés souvenirs, quoi. Ouais. Grand fan de Renaissance, par exemple, André François. C'est assez amusant parce qu'effectivement, là, voilà, les liens entre le rock progressif et puis la SFF, hein, la science-fiction et la fantasy, sont ici très, très proches, hein, pour oui, le coup. Oui, mais ça, tu prêches un convaincu, hein. Ouais, ouais, complètement, complètement. Bien, et ben Morrigans, et ben, dernier morceau pour Perfect Life. Blinding, fire. happy as could be. Well, I thought so anyway. Everything was you and me. Then the games began to play. I should have never let you go. Never let you go. Should never let you go. I still love you anyway. Well, I never thought that I would be standing on my own, left without a life. When two and two make five, sowing seeds inside your head. I find it hard to sleep in my empty bed. I should have never let you go. Never let you go. Should never let you go. Could be. Well, I thought so anyway. Everything was you and me. Then the games began to play. I should have never let you go. Never let you go. Should never let you go. I still love you anyway. I always thought we could travel the world, sharing the love and the friends we both know. Troubles may come, but we put on the show. Voilà, on termine cette émission de janvier avec une nouveauté d'un Britannique, Del Bromham, B-R-O-M-H-A-M. Voilà, c'est une édition de nos amis d'Ésotérique. Le titre de l'album, White Feather. La plume blanche, et d'ailleurs, il y a une plume blanche en couverture. Comme d'habitude, eh bien, vous retrouverez cette émission as soon as possible sur le podcast d'Acid Dragon. Le podcast, on le trouve facilement sur un site qui s'appelle PodCloud, comme le nuage. Voilà pour ça. Et donc, vous le retrouverez très rapidement demain ou après-demain. Ainsi que 90, et oui, 90 vieilles émissions mises en ligne. Il y a de quoi se faire péter les tympans. Je vous retrouve quant à moi le 4 février, ce sera un lundi au Mystère de 20h30 à 22h30. Et d'ici là, suivant la formule consacrée, tenez tati et à que la prochaine et essayez de faire pas ce que j'ai fait, de ne pas attraper le bocon. Ciao, ciao! C'était Proc à part, une émission présentée, proposée par Thierry Sportouche. Avec aujourd'hui comme invité prestigieux les Morrigans. Good night, sleep tight.